Et puis aussi, on doit pratiquer peut-être à voir le fait que, quelles sont les conséquences de la disparition. La disparition, est-ce que c'est pas là? On voit comment ça évolue dans le souvenir, la mémoire, l'école de la transmission. Pourquoi une disparition serait-elle un problème? Est-ce que c'est un problème déjà? Non, oui. Oui, pourquoi? Et dès votre point de là, dans votre carte mentale, on doit commencer à avoir des termes qui finalement sont plus neutres. Vous avez bien redécouvert, enfin, moi en tout cas, c'est ça peut venir en fait dans les façons de découper, je sais pas si vous voulez. Mais pour l'instant, c'est peut-être encore peut-être un peu neutre ce que vous dites. Oui, du coup, on devrait faire des choix, peut-être. Commencer à se dormir finalement dans, dans l'engagement que vous allez prendre. Parce que ce qui est intéressant du coup, à partir du moment où il y a disparition, tu peux mettre dans le lieu, tu peux c'est peut-être aussi de travailler sur les antonymes. Quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est quoi l'inverse de la disparition? Est-ce que c'est apparition? Est-ce que c'est conservation? Est-ce que c'est c'est pas. Vous allez progressivement comme ça trouver des axes forts, parce que parfois les axes forts, on les trouve aussi en jouant sur les opposés.